cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Samedi 23 octobre, les Patriotes se mesurent à RMC au Colisée de Trois-Rivières à 14h. Dimanche 24 octobre, les Patriotes hockey affrontent Toronto à l'Arena Claude-Mongrain à 14h15. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/Patriotes. Vous cherchez une ambiance unique pour votre événement? Lounge, jazz, ambiant ou trance? Que ce soit pour vos parties de bureau, 5 à 7 corporatifs, un lancement, un vernissage ou une inauguration, le Benzen, c'est le trio qu'il vous faut. Pour information et booking, studiostereo.com. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15% sur les livres à prix réguliers. Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. Christian Laflamme nous présente le nouveau son de son projet, Les Gorilles aux Mains Rouges, maintenant disponible en mini-album chez Archambault et au Colimaçon Centre-Ville Trois-Rivières. Pour plus d'informations, reverbnation.com/Les Gorilles aux Mains Rouges. C'est fou ça. 89.1. À Cipou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Bienvenue à Connaître Ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiantes du baccalauréat en pratique sage-femme de l'UQTR. Mon nom est Jessica Boulanger et je serai votre animatrice avec Véronique Bazinet pour la session automnale 2010. Avertissement. Les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peuvent être associés à aucune autre organisation. Il reflète aucunement l'opinion des sages-femmes. Alors, ce matin, le sujet de notre émission est le deuil périnatal. En abordant ce sujet, nous explorerons le tabou qui persiste autour du deuil périnatal dans la société québécoise d'aujourd'hui. Nous nous intéresserons également aux ressources qui s'offrent aux parents et aux intervenants de la santé. En première partie, nous aurons la chance de discuter avec Kathleen Boily, mère et étudiante de première année au bac sage-femme. Elle viendra nous partager son vécu d'un décès périnatal. En deuxième partie, nous entretiendrons avec Mme Sylvie Blouin, accompagnante au deuil périnatal au collectif Les Persides. Mme Blouin pourra mettre en lumière son rôle au sein du collectif et partager son expérience d'une vingtaine d'années en accompagnement des parents en deuil. Débutons notre émission avec un petit topo sur l'approche sage-femme en lien avec le deuil périnatal. C'est le principe de continuité qui oriente la démarche de la sage-femme. Son rôle consiste à être à l'écoute des besoins des parents et d'apporter le soutien désiré. Si la femme ou la famille le souhaite, la sage-femme peut assurer un suivi concernant le deuil vécu suite à un avortement spontané, d'un arrêt de grossesse volontaire ou dans les rares cas de mortalité qui surviennent durant l'accouchement ou suite à la naissance d'un enfant. La question du deuil périnatal peut également surgir lors des rencontres prénatales chez les femmes et les familles, chez qui la grossesse ravive des souvenirs d'un enfant décédé au cours d'une grossesse précédente ou dans la première année de vie, comme dans le cas du syndrome de mort subite du nourrisson. Le deuil périnatal, événement éprouvant qui suit le décès, touche principalement les parents, mais l'événement n'est jamais anodin pour les professionnels et les individus qui sont les sages-femmes. De nombreux intervenants du domaine de la santé périnatale ont également à y faire face. Nous avons donc tenu à aborder le sujet afin de le démystifier et de donner aux parents et aux intervenants des pistes de réflexion. Voyons maintenant comment se définit le deuil périnatal. Le deuil, à proprement parler, est une réaction. C'est un sentiment de tristesse éprouvé suite à la mort d'un proche. Souvent associé à la souffrance, le deuil est aussi considéré comme un processus nécessaire de délivrance. En tant que catégorie de deuil, le deuil périnatal a ses propres particularités. Le deuil périnatal, c'est souvent le plus complexe que celui uniquement associé à la perte d'un proche. Selon Suzy Fréchette-Piperny, auteure du livre « Les rêves envolés », Vivre un deuil périnatal, ce n'est pas juste un petit bébé, c'est une vie au complet qui ne sera pas vécue. Pour les parents, la famille et les proches, le deuil d'un bébé implique à la fois la perte d'un enfant, mais aussi la perte de rêves, d'espoir, d'attente et de projets d'avenir. Chaque jour au Québec, des parents perdent un enfant au cours de la grossesse ou dans les jours qui suivent la naissance. Selon Statistique Canada, la mortalité périnatale exprime la probabilité qu'un fœtus jugé viable soit mort-né ou qu'un bébé meure avant la fin de la première année de sa vie. En 2005, le taux de mortalité périnatale au Québec s'élevait à 5,5 pour 1000 naissances. À cette donnée s'ajoute celle des fausses couches. Selon les données de Santé Canada en 2003, la proportion d'avortements spontanés touche une grossesse sur 5. Ainsi, bien que la mortalité périnatale ait grandement reculé au cours des dernières années, elle demeure une réalité à laquelle doivent faire face de nombreuses familles au Québec. Différents auteurs ont observé et nommé et décrit une série d'étapes à travers lesquelles passeront les parents endeuillés. Les travaux d'Isabelle Kubler-Ross font ressortir les 5 étapes d'un deuil. Dans l'ordre, les étapes sont le choc, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Alors, commençons par la première étape. C'est celle qui est le choc ou le déni. Au moment où est-ce qu'elle apprend la perte, la personne qui vit va vivre une courte période, plus ou moins intense, où les émotions vont sembler absentes. À la sortie de ce court stade du deuil, la réalité de la perte va commencer à prendre forme, ce qui va nous amener à la deuxième étape, qui est celle de la colère. Ça va être marqué par un sentiment de colère face à la perte, voire même de culpabilité pour certains. C'est la période des questionnements, de tous les pourquoi. La troisième étape, qui est le marchandage, ça va être une phase de négociation puis de chantage pour certaines personnes. C'est durant cette étape-là que la personne est prête à tout donner ou à tout abandonner pour pouvoir redonner vie à l'enfant perdu. Le marchandage va faire place à la dépression. Dans cette quatrième étape-là, la durée va être très variable. Il va y avoir une grande tristesse qui va s'installer. Il y a une place qui va être accordée aux remises en question puis à la détresse. Le deuil peut aussi sembler interminable quand la tristesse est grande et la variété des émotions va submerger la personne en deuil. Lors de l'acceptation, il va y avoir, qui est la cinquième étape, la réalité de la perte va être davantage comprise et acceptée. La personne endeuillée va donc prendre du mieux. Elle va encore vivre de la tristesse pour sûr, mais elle va retrouver son plein fonctionnement. Elle va réorganiser sa vie en fonction de sa perte. Ces 5 étapes-là peuvent apparaître en continuité, comme je viens de vous les présenter, mais il y a des retours en arrière qui peuvent avoir lieu. Les étapes du deuil ne vont pas succéder nécessairement dans cet ordre-là, puis il y en a qui vont être sautées, sans que les sentiments vont avoir été négligés. Mais personne n'échappe au deuil, mais chaque personne va la vivre à sa propre façon. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le témoignage de Kathleen Boily, qui viendra nous partager son propre vécu du deuil. Alors, accueillons-la sans tarder en studio, Kathleen Boily, qui est étudiante au bac en pratique sage-femme. Alors, bienvenue Kathleen, comment vas-tu? Ça va, merci. Alors, ça a beaucoup touché l'équipe de radio de savoir que tu voulais partager avec nous ton expérience du deuil de ton enfant décédé suite à un arrêt de grossesse. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord nous raconter les événements qui ont précédé la perte? Bien, écoute, nous, on en était à notre deuxième enfant. On a décidé, là, comme pour le premier, on avait décidé de faire affaire avec une sage-femme pour le suivi. Ça allait bien, la grossesse, tout était normal. Ça se passait à première vue là, comme la première grossesse. Puis, c'est rendu là. On avait fait le choix, dans le fond, nous, comme pour notre premier enfant, de faire une seule échographie. Puis, on a décidé de la faire à 20 semaines. Fait que c'est ça qu'on a fait. À 20 semaines, on s'est présenté à l'hôpital pour avoir une échographie, la première en fait. Puis c'est à ce moment-là qu'on a appris la nouvelle. Là, on a appris que notre bébé, dans le fond, ne pourrait pas survivre. On ne pourrait pas le mettre à terme, dans le fond, parce qu'il était atteint d'anencéphalie. En gros, c'est grosso modo, dans le fond, c'est quand le bébé, il manque une partie du cerveau. Fait que ça fait un enfant qui n'est pas viable. OK. Alors, on mentionne souvent la surprise et surtout le choc qui accompagne la première période du deuil. Alors, quand tu as su, l'état de l'enfant, toi, est-ce que ça a été ça que tu as vécu? Est-ce qu'il y a eu un choc ou une surprise? Comment ça s'est passé pour toi? Ben oui, je pense un choc, c'était vraiment, c'est le bon terme. Écoute, quand tu apprends la nouvelle, quand ils disent « Écoute, je vais pas faire semblant que ça va bien, là, votre bébé, il va vraiment pas bien. » Fait que moi, on s'est regardé, mon chum puis moi, puis on dit « Mon Dieu, on n'entend pas, c'est pas ça qu'on entend. » Puis j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe? » Puis là, c'est quand il nous a dit « Ben, votre bébé, il manque une partie du cerveau. » C'était une catastrophe. On s'est tous les deux vraiment écroulés en larmes. C'est un choc. Mm-hmm. On s'attend jamais à ça. Tu regardes l'échographie, tu vois, oh, c'est un petit bras, c'est une petite jambe. Mais oui, c'est vraiment un choc, là. C'est une catastrophe. On est complètement anéantis. Mm. Oui, je te crois. Mm. Et comment ça s'est passé, l'accouchement? Mais l'accouchement, écoute, on s'est entendu pour dire que ça s'était relativement bien passé, vu les circonstances. On a quand même eu droit à une intimité que le personnel nous a laissée à l'hôpital. Puis ça s'est passé quand même bien, on va dire. Là, le premier accouchement, c'était bien passé aussi. Pour le deuxième, ça s'est bien passé aussi. C'est sûr, c'est différent parce que, ben là, il provoque, tu sais, il donne des médicaments qui font en sorte que tu commences à avoir des contractions utérines. Puis, ben c'est ça. C'est que ça a pris, c'est plus long. Bon, ça a pris la journée. On a été ensemble, mon conjoint puis moi. Le personnel vient faire son petit tour une fois de temps en temps. Puis, nous, ce qui nous a vraiment aidé, c'est que la sage-femme a été avec nous à l'hôpital. Ça a vraiment apporté une ambiance, une atmosphère vraiment différente. Ça a été un gros plus pour nous. Fait que, on pourrait dire que l'accouchement s'est quand même bien passé, vu les circonstances. Le personnel a été, ça a quand même été bien. Puis, c'est ça, dans le fond, oui. Et ça fait à deux reprises que tu mentionnes que tu as eu un suivi sage-femme. Mm-hmm. On se demandait, en fait, ça a été son rôle qu'elle a joué dans ton processus de deuil par la suite? Bien, nous, déjà, ça a donné tout de suite après l'échographie, on avait notre rendez-vous avec la sage-femme. Fait que ça a été vraiment une continuité, ça a été une grosse journée. Fait qu'après avoir appris la nouvelle, on est allé voir la sage-femme en larmes. Puis ça a été vraiment rapide. On a appris la nouvelle le mardi, puis le jeudi matin, on est à l'hôpital pour l'accouchement. Fait que ça s'est vraiment déroulé vite. Puis la sage-femme, elle était là parce qu'à l'hôpital, t'es garoché un peu, on t'annonce la nouvelle, on sait le rendez-vous. Puis bon, ben on se revoit jeudi. Bye. Fait que si t'as des questions, tu les prends en note, puis tu les poses. La personne qui va être là va répondre à tes questions la journée même. Fait que la sage-femme, dans le fond, elle a passé une grosse heure et demie presque avec nous. Elle nous explique, déjà, elle nous écoute. Puis après ça, ben une fois qu'on s'est un peu ressaisi, ben elle nous explique un peu qu'est-ce qui va se passer. On a eu la chance quand même d'avoir une sage-femme qui avait déjà eu à accompagner des couples dans la perte d'un enfant. Fait que on a pu avoir une petite idée de qu'est-ce qui nous attendait à l'hôpital. Puis après ça, elle nous a dit, si vous voulez, je peux y aller avec vous autres à l'hôpital. Fait que ça a tellement apporté pour nous, là, c'était... Fait qu'on, oui, on a accepté. Puis, une fois rendu à ce moment-là, tu sais, la sage-femme, elle a plus le rôle d'une accompagnante parce que, vu que, bon, je suis à l'hôpital, fait que là, c'est le personnel, c'est bien clair, c'est la sage-femme, elle laisse son rôle, mais elle a vraiment servi d'accompagnante, elle était là pour nous écouter, nous appuyer, nous encourager. Fait que c'est ça le rôle que nous, on a ressenti de la sage-femme à partir de ce moment-là. Oui, c'est vraiment important quand même. Et est-ce qu'elle a joué un rôle suite à l'accouchement? Oui, c'est elle qui a fait le suivi. Le suivi postnatal est là, même si le bébé n'est pas là. À l'hôpital, bon, j'ai cru savoir, dans le fond, que le suivi postnatal, souvent, c'est l'infirmière du CLSC qui vient à domicile. Là, on n'a pas ça quand il n'y a pas de bébé. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes, mais dans mon cas, bon, nous, on avait un suivi sage-femme. On n'a pas tant non plus reçu cette... ça n'a pas été tant proposé non plus par le personnel hospitalier. Peut-être c'était au fait qu'on était suivi par une sage-femme. Ils ont laissé ça couler un peu. Puis la sage-femme, elle a fait son suivi postnatal. Elle nous a appelés tous les jours. Il y a une sage-femme qui avait vécu la même chose que nous il y a plusieurs années. Puis elle nous a appelés aussi. Fait, ça a été... Le suivi a été vraiment... comme continu, un peu dans le même genre de suivi, dans le fond, que quand le bébé est présent. Puis ça apporte beaucoup, parce que justement, tu te retrouves, tu es toute seule, ton bébé, il n'est pas là. Puis souvent, c'est difficile à comprendre. Autant pour nous, on a de la misère à s'en rendre compte, puis les gens aussi, la famille, les amis. Fait que la sage-femme, elle apporte le suivi qu'on a de besoin. Alors, selon un sondage effectué par l'association Parents Orphelins, 95,8% des parents affirment que suite à la perte de leur bébé, ils se sont sentis à un moment ou un autre isolés de la société en général. Et lors de son passage à l'émission « Tout le monde en parle », le 3 octobre dernier, Mélanie Gagné, animatrice de radio et porte-parole de l'association Parents orphelins, soulignait que le deuil périnatal demeure un tabou dans notre société. L'isolement, le tabou, est-ce que ça correspond à ce que vous avez vécu, ton conjoint et toi? Oui, quand même, mais tabou, isolement. Écoute, l'isolement, je dirais oui, parce que il y a vraiment une incompréhension. Je pense que les gens qui nous entourent, on a eu beaucoup l'impression, si la personne ne l'a pas vécu, elle a de la misère à comprendre qu'est-ce qui peut vraiment arriver. Fait que souvent, le tabou est là. Les gens, c'est pas clair pour eux autres. Fait qu'ils vont pas avoir le réflexe de t'appeler, de dire « Ah ben écoute, on a appris la nouvelle, vraiment, mes condoléances » ou « venir faire une petite visite » ou... Il y a pas ce même genre d'appui-là que quand, par exemple, un parent ou va mourir. Il y a pas eu ça. Là, je dirais qu'il y a un tabou, dans le fond. Les gens, ils savent pas trop où se placer dans cette histoire-là. Ils osent pas trop, de peur de déranger. Fait que oui, il y a un certain tabou. Mais je pense que c'est ça, c'est beaucoup d'incompréhension. Les gens, ils comprennent plus ou moins, en fait, qu'est-ce qui se passe. Puis l'isolement, ben c'est dû à ça aussi. C'est que les gens, ils n'osent pas trop déranger. Ben ils n'osent pas trop déranger, on n'a pas de coup de fil. Fait qu'on se retrouve juste les deux, le couple, en fait. Puis le peu de gens qui nous appellent ou qui viennent nous porter des petits repas ou des petites attentions. Parce que après un accouchement, enfant ou pas, le corps, il répond. Fait que il y a la montée laiteuse, puis il y a tous les petits inconvénients, tu sais, de l'accouchement. Fait que puis ça, les gens, c'est pas clair pour eux autres. Fait que le tabou, l'isolement, je dirais, oui, c'est ça. Personnellement, je crois que ça découle beaucoup de tout ça, dans le fond. C'est pas quelque chose non plus qu'on parle beaucoup. Les gens, tu vas parler du deuil, les gens, ils sont comme, ah oui, ils écoutent, mais tu vois dans leurs yeux que... ils sont pas très à l'aise. Ils hochent la tête, mais ils ont le goût de changer de sujet. C'est pas un sujet heureux. Fait que nous, pour vivre le deuil, on avait besoin, par exemple, d'en parler. C'est comme ça qu'on le sentait. Puis les gens, on voit qu'ils n'ont pas tant de goût que ça d'en entendre parler. Fait que oui, il y a un malaise. Le malaise est plus grand que l'approche, quand c'est la mort d'un proche, un parent, un ami. T'sais, ça, c'est quelque chose que... ça arrive plusieurs fois dans une vie. Perdre un enfant, c'est pas tout le monde qui va le vivre de proche ou de loin. C'est de là le malaise, je crois. Ça, tu viens de mentionner que vous aviez le goût d'en parler. Justement, tantôt, on parlait des différentes étapes du deuil. Est-ce que tu pourrais nous décrire, sans nécessairement tenir compte de toutes les étapes qui ont été mentionnées, mais toi, ça a été quoi tes différentes émotions par lesquelles t'es passée durant ton processus de deuil? Écoute, dans mon cas, puis je dirais dans l'une de mon conjoint aussi, ça a été vraiment rapide. Tantôt, justement, tu parlais les étapes du deuil, je savais, puis pas. Ça a été super rapide, on a appris la nouvelle, bon, on s'effondre, on pleure, mais dans mon cas, j'ai pas eu le bon pourquoi, comment ça. Écoute, c'était clair, malformation au niveau du tube neural, anencéphalie, le bébé, tu peux mener la grossesse à terme si tu veux, mais ton bébé, il va probablement mourir dans les heures ou dans les jours qui vont suivre. OK, mais je l'ai tout de suite accepté. Fait que j'ai eu de la peine, je l'ai accepté, je fais OK, c'est comme ça. Fait que puis tout de suite après, bon, le lendemain, tu sais, OK, vite, faut qu'on trouve une gardienne pour notre premier enfant. OK, on prend des congés pour mon chum, tu sais, lui, il travaillait, il fallait vite qu'il se fasse remplacer. Puis bon, vite, deux jours après, ben finalement, on est à l'hôpital, puis c'est là que ça se passe. Fait que ça va vite, fait que on a été surtout très tristes durant ces deux jours-là, mais on avait en même temps tellement de choses à préparer en prévision de l'accouchement. Puis c'est durant la journée à l'hôpital, bon, ben écoute, c'est tellement long, t'attends, puis c'est pas comme un accouchement que t'attends, là, t'es tout énervé, t'attends ton bébé, tu sais. Fait que le deuil, après ça, oui, se continue par la suite. Puis nous, ça a été de la tristesse, vraiment. On n'a pas... pas tant de colère, non, ça n'a pas été... ça a été assez, je dirais... ça a été doux, je dirais, comme deuil, ouais. OK. Alors, dans les groupes de soutien au deuil périnatal, on accorde souvent une importance particulière au rituel dans le processus de deuil. Par exemple, une fois par année, les parents se réunissent aux quatre coins du Québec afin de participer à la cérémonie des anges, un moment particulier consacré exclusivement à la mémoire de leur enfant qui a eu justement très récemment. Alors, on se demandait si toi-même, tu as eu recours à des rituels au cours de ton deuil. Oui, avant, pendant, puis après. Mais nous, on a fait le choix, c'est parce qu'on le sentait comme ça aussi, on a fait le choix de vivre ça à deux. On a eu de l'aide qui nous a été offerte. Entre autres, justement, on s'est fait expliquer, bon, c'était quoi, par exemple, le regroupement de l'Hyperséide à Québec. Mais on n'a pas senti ce besoin-là. On l'a vécu ensemble. Puis à l'hôpital, bon, mais la sage-femme, c'est ça, elle a apporté, comme ça tantôt, une dimension vraiment différente aussi. Elle a été avec nous, fait qu'elle a vécu une partie du deuil. Puis personnellement, dans mon cas, l'accouchement comme tel, ça a été vraiment une délivrance, ça a été un soulagement. Et puis, une grosse partie de mon deuil s'est passée à ce moment-là. Quand le bébé est passé, j'ai dit, ben là, je le laisse partir. Et puis, ça a été une libération. Puis après ça, bon, évidemment, bon, on a décidé, nous, de le voir, le bébé. On a resté avec lui dans la chambre. On a attendu, parce que même si c'était un petit bébé à ce moment-là, j'avais 21 semaines de fête. Il y a des petits réflexes, il gigote un peu, il y a encore un pouls. Fait qu'on a resté avec lui durant ce moment-là. On l'a gardé avec nous, on a pris des photos, on l'a apprivoisé, tu sais, on l'a découvert. Puis après ça, ben, une fois que ça a été fait, ben là, on l'a remis à l'infirmière, dans le fond. Puis c'est nous qu'on a décidé de disposer nous-mêmes du corps. On a fait affaire avec une coopérative funéraire, c'est eux qui sont allés le chercher à l'hôpital. Puis aujourd'hui, ben, on a un petit reliquaire, là, une petite mini-urne à la maison. Puis ben, on lui a donné un nom, fait que notre petit Michael, il est là avec nous. Puis dans le fond, ben, il est vraiment dans la famille, on en parle, les enfants vont le voir. C'est ça, fait que c'est un... Il est là, puis il fait partie de la famille. Oui, on en parle. Fait que ça, ça a été nous, ça a été nos étapes, ça a été comme ça qu'on l'a vécu. Puis aujourd'hui, ben, c'est pas oublié, mais aujourd'hui, ça a été l'étape. On a tourné la page dans le fond, puis on est prêt à passer à autre chose. Tantôt, tu mentionnais que ton conjoint et toi, vous avez décidé de vivre le deuil ensemble. Alors, ben justement, ça fait qu'aujourd'hui encore, vous formez encore un couple. On se demandait, est-ce que vous l'avez vécu de la même façon, le deuil? Non, vraiment pas. C'est vraiment différent, tu sais. Puis moi, je l'ai vécu tout de suite, tu sais, j'ai explosé. Puis autant des fois, pour beaucoup de papas, la grossesse, c'est pas clair. C'est quand le bébé arrive que, oh, ben oui, tiens, c'est vrai, on attend un bébé. Mais c'est un peu la même chose, j'ai eu l'impression. C'est pas clair, tu sais. Fait que mon chum, durant ce moment-là, il dit, écoute, il dit, là, je vais être ta béquille, puis après, ça sera moi. Puis, ben, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai vraiment vécu ça super intense durant les deux jours avant l'accouchement. Puis l'accouchement a été très libérateur. Fait que moi, après ça, je commençais tranquillement, là, à tourner la page, puis là, c'est moi qui ai servi de béquille. Là, pour mon conjoint, c'était vraiment plus difficile, ces moments-là, après. Fait qu'on s'est tenus, là, durant ce moment-là. Mais oui, c'est vraiment différent. Puis encore aujourd'hui, à tout bout de champ, ben, on a là, une petite pensée pour le bébé. Puis on vit ça différemment aussi. La façon dont on en parle, c'est différent. OK. Et c'est quoi tu recommanderais aux parents qui traversent cette épreuve? Je dirais de s'écouter, dans le fond. On a des conseils, on a de l'aide, mais c'est vraiment de s'écouter. Si t'as pas envie, tu sais, d'aller chercher de l'aide, bon, tu dis, ah, c'est une bonne idée, je devrais y aller, mais il faut s'écouter, il faut lever, il faut prendre le temps. Ça, c'est très important de prendre le temps, puis de pas avoir peur non plus de le prendre. Ça, c'est vraiment, je pense, du chacun pour soi, de y aller comment on le sent. Je sais qu'il y a des parents qui vont décider de pas du tout voir le bébé ou ils vont décider de le laisser à l'hôpital. C'est vraiment des choix personnels. Il y a des femmes aussi qui vont décider de prendre la péridurale pour pas sentir qu'est-ce qui se passe. Ça dépend vraiment du chacun pour soi, de comment on le sent. Puis c'est important de s'écouter, je crois, dans ce moment-là. Mais de la façon dont nous, on l'a vécu, justement, de prendre en charge le bébé après, de comment ça, on a, l'accouchement, on l'a vécu aussi. C'est sûr que, ben écoute, ça s'est bien passé. Je dirais pas, je vais recommander à toutes les femmes de faire comme moi, mais je dirais, moi, je me suis écoutée. On s'est vraiment tenu beaucoup durant ce moment-là, mon conjoint puis moi, puis je dirais que c'est ça. Il faut s'écouter puis de prendre le temps de comment on va vivre ça, nous. Et bon, tu entreprends des études en pratique sage-femme. Selon toi, de quelle manière ton deuil va influencer ta pratique? Je vais garder en tête que ça peut arriver à n'importe qui. On le sait quand on est enceinte, on dit oh, bon, ça arrive, mais sûrement pas à moi. Puis j'avais aussi cette idée-là, puis j'avais pas dans l'esprit que la sage-femme, elle accompagne justement le couple, même dans le deuil. Fait qu'on dit souvent, tu sais, c'est merveilleux la vie, puis oui, je veux devenir sage-femme, c'est tellement beau. Mais il y a le deuil aussi, il y a vraiment la sage-femme, elle l'accompagne. Et puis oui, c'est ça, je m'en étais comme pas rendu compte, c'est par après justement que j'ai réalisé. Puis aujourd'hui, ben, je garde en tête que la sage-femme, elle accompagne vraiment dans toutes les étapes de la grossesse, puis dans les étapes ben, du postnatal aussi, tu sais, avec ou sans bébé, ça c'est important. Oui, je garde ça en tête. Bon, ben Kathleen, je tiens à te remercier pour ton témoignage très touchant et rempli de belles paroles de sagesse. Et alors maintenant, on va passer en musique avec la pièce Poussière d'ange de Ariane Moffat. Pas grave, il peut revenir si tu restes sage. Tes examens? T'as une tête de monstre? Viens comme tu es et invite tes amis au 10-12 le vendredi 22 octobre à partir de 22h. C'est pas compliqué, le 22 octobre, partez costumé au 10-12. Musique, divertissement, information et conneries, tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à C'est fou 89.1. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont votre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes étudiant? Visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. C'est fou, ça. 89.1. C'est ça que ça nous donne le goût de danser, hein? Mmh. Oh, c'est tellement de musique entraînante. Vous êtes de retour à C'est fou 89.1 FM à connaître ensemble l'émission sur la périnatalité. Poursuivons maintenant avec nos deuxièmes invités. Madame Sylvie Blouin, accompagnante au deuil périnatal au sein du collectif Les Accompagnantes dans le groupe de soutien Les Perséides à Québec, et Annabelle Gagnon dans le collectif également Les Accompagnantes et animatrice du groupe de soutien Les Perséides. Alors, bienvenue. Ben, bonjour. Bon. Alors, comment allez-vous? On est contente d'être ici avec vous parce qu'effectivement, un petit peu comme... Kathleen disait tantôt, c'est quelque chose, puis comme vous disiez, c'est quelque chose d'extrêmement tabou. Il y a beaucoup de méconnaissances, fait que plus on peut en parler, bien plus on peut répondre aux besoins finalement des parents. Merci d'être avec nous en studio aujourd'hui. Si mes sources sont bonnes, Madame Blouin, ça fait 20 ans que vous êtes impliquée comme accompagnante au deuil périnatal. C'est quoi qui vous a amené vers l'accompagnement en deuil? En fait, je vais me permettre peut-être de faire juste une petite nuance intéressante. En deuil périnatal, puis je vais revenir à cette question-là, en deuil périnatal, on ne parle plus vraiment des étapes de deuil. Il y a des recherches en cours actuellement par rapport au vécu des parents, puis on est en train de discerner comme quatre trajectoires possibles. Et Kathleen en nommait une, entre autres, où est-ce que quand la recherche de sens est claire, effectivement, le deuil est comme plus court. Il y a une différence entre « je vis un décès périnatal » et « je vis un deuil périnatal ». C'est sûr que pour la majorité des gens, on va dire que ça prend en moyenne 3 ans. Et on parle plus de, on parle pas des étapes parce que les gens, et même les intervenants, sont comme pris avec ce cadre-là. Puis les gens, bien, j'ai pas vécu de colère. Est-ce que c'est caché puis je passerai pas à travers? Ou, fait qu'effectivement, on parle plus de mouvement. Tant que la personne est en mouvement, elle chemine dans le deuil. Pour revenir à la question. Moi, ça fait presque 18 ans, en fait, que je suis à la campagne, au collectif. Et puis, ce qui m'a amenée, c'est vraiment le vécu avec les femmes, de voir à quel point, bien, il y a mon propre vécu. Moi, j'ai eu une interruption pour malformation à 23 semaines de grossesse. C'est quelque chose que je porte. J'ai vécu une fausse couche. Entre les deux, j'ai eu ma grande. Et puis, donc, c'est une réalité dans mes traits que je connais. Puis, accompagner les femmes de... Au départ, de prendre conscience à quel point fausse couche, hein, avortement spontané, arrêt de grossesse, à quel point c'est présent finalement lors des grossesses suivantes, souvent, de se rendre compte qu'il y a des sources de blocage, puis à un moment donné, pouf, on ouvre. Et même, je me souviens d'un couple, là, pendant l'accouchement, hein, la dame est à 4, ça avance pas, il y a des contractions régulières, et quand on a fait de l'espace au vécu de la fausse couche, que les émotions sont montées, qu'on a donné cette permission-là, puis qu'on n'a plus dire au revoir. Oups, la dame est passée de 15 à la naissance en 20 minutes. Ça fait qu'il y a de la répercussion dans les grossesses suivantes. Ça fait qu'au départ, comme on est un collectif d'accompagnement à l'accouchement, c'est sûr que c'est via cette réalité-là, hein, qui fait que, oh là là, il y a quelque chose à faire avant pour que les familles soient prêtes à accueillir l'enfant qui s'en vient. Il y a une place qui doit être donnée. Hein? Cet enfant-là, je l'ai désiré, je l'ai souhaité. On l'a nommé tout à l'heure, le décès périnatal, le deuil périnatal. C'est pas juste la perte de l'enfant, c'est tout ce que j'avais rêvé avec. Et puis, évidemment, mais il y a des femmes qui perdaient pendant la grossesse leur petit bébé à l'accouchement. Et moi, là, j'ai vraiment été extrêmement touchée quand un parent que j'ai accompagné a décidé d'aller à une cérémonie à Sainte-Justine. Je me suis dit... La famille part de Québec pour aller à la cérémonie à Sainte-Justine. C'est qu'il y a quelque chose, là, il y a un besoin qui est grand et on est une grande région, Québec. Comment ça se fait que, hein, on n'est pas plus organisé pour soutenir les familles? Mm-hmm. Donc, ça part de ça. Et là, ce qu'on a fait comme démarche, c'est qu'on a organisé une journée de sensibilisation et d'échange. On a invité les gens en CLSC, les gens en milieu hospitalier, les gens des organismes communautaires. Et là, on a partagé, bon, on a demandé aux gens de Saint-François, parce qu'à l'époque, c'était eux qui avaient la néonatalité. On leur a demandé de présenter leur vécu, les outils qu'ils avaient développés. On a fait venir justement Suzy Fréchette-Piperny, qui elle a présenté, ben, comment ça se passe à la sortie de l'hôpital, ce qu'ils ont développé, puis... Nous, on a partagé qu'est-ce qu'on vivait comme organisme communautaire. Puis là, on a recueilli qu'est-ce que les gens faisaient en région un peu partout. Puis on s'est aperçu qu'il y avait plein de bonnes volontés, mais toutes des actions isolées. Fait qu'on s'est dit, bien, comme grande région, qu'est-ce qu'on prioriserait? Alors là, on a fait, on a créé un comité. Ça, c'est en 2002. Et sur le comité, il y avait quelqu'un de l'hôpital, il y avait des gens, des organismes communautaires et il y avait un parent. À ce moment-là, on avait priorisé qu'on voulait un groupe de soutien et embarquer ce groupe de soutien-là dans la trajectoire de périnatalité. Justement, en parlant du groupe de soutien, donc, Mme Gagnon, vous êtes animatrice du groupe de soutien, les Perséides. Oui. Et est-ce que vous pourriez me décrire un peu, c'est quoi le groupe de soutien? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment on fonctionne? Comment le groupe... C'est ça. Donc, c'est quoi un peu son rôle, sa mission, sa clientèle? Okay. Donc, les gens qu'on invite à participer, c'est des gens qui ont perdu leur enfant, soit pendant la grossesse, pour X raisons. Tout le monde est bienvenu à l'accouchement ou pendant la première année de vie. principalement, les gens viennent vraiment pour raconter leur histoire, partager leur vécu. Comme Kathleen disait tout à l'heure, le besoin est vraiment d'en parler. C'est comme ça. Et les proches ne sont pas à l'aise sans entendre parler continuellement. Puis pourtant, c'est comme ça que les parents s'en sortent. C'est d'en parler. Et là, c'est un groupe, un espace qui est permis où ils peuvent tout exprimer, raconter leur histoire encore et encore. Et encore, ils sont toujours accueillis, toujours bienvenus. Et surtout, ils retrouvent des gens qui ont vécu la même chose qu'eux. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Donc, la majeure partie de nos soirées, en fait, on a une rencontre par mois. Le deuxième mercredi de chaque mois, on rencontre, on accueille les gens de 7h à 10h le soir. Puis la grande partie de notre soirée sert justement à recevoir les gens. Comment ça s'est passé? Comment le dernier mois s'est passé? Et souvent, les gens profitent pour raconter à nouveau l'événement. Et il y a une partie qui sert aussi... en fait, on fait des exercices en lien avec un thème. Chaque soirée a un thème. Donc, on fait différentes activités qui vont chercher davantage. On va jouer avec la symbolique beaucoup pour amener vraiment les gens à sortir de leur rationnel puis les ramener plutôt dans leurs émotions. Donc, on va faire différentes activités. C'est très, très, très varié. Il peut y avoir du massage, du chant, du bricolage. Il y a vraiment de tout parce qu'on veut rejoindre le plus de gens possible. Sylvie, as-tu d'autres choses à raconter? C'est sûr, on veut aussi une façon de s'en sortir au niveau du deuil. Ça doit être ancré dans la réalité. Et la façon dont on apprend la nouvelle est extrêmement importante. Les mots que les gens reçoivent lors de l'annonce sont extrêmement importants. Le soutien qu'ils reçoivent est extrêmement déterminant dans comment va se dérouler le restant du deuil. Alors, des fois, on a de la récupération à faire. On a à donner un espace pour revivre. Quelquefois, c'est manqué là où l'espace n'a pas été suffisant. Et on recrée d'autres souvenirs aussi, parce qu'il y en a très peu en deuil périnatal. Alors, au niveau de la santé mentale, il faut que ça soit réel. Et puis, ça permet aussi ce qu'on fait de dire aux autres, bien, regardez, c'est vrai ce que j'ai vécu, ce que j'ai partagé avec le groupe, puis de le voir aussi avec les autres. Et quand Annabelle dit, tout peut être dit, là, il y a des pensées que les gens ont dans leur tête, puis qui se trouvent là, que ça n'a pas de bon sens, ils peuvent se taper. Alors, c'est intéressant. Quand le climat de confiance est là et que c'est nommé, on est plusieurs oreilles à entendre que c'est pas raisonnable. Et non. Entre autres, quand on parle de la honte, de la culpabilité, il y a des pensées, des croyances à aller défaire pour cheminer, puis que ce soit l'émotion qui est sous-jacente, qui est vraiment là, finalement, et qui s'exprime. Quand vous faites, ça fait quand même plusieurs années que vous faites de l'accompagnement, c'est quoi que vous avez appris d'essentiel à travers vos différents accompagnements du deuil périnatal au fil de vos expériences? C'est la famille qui nous montre, qui nous indique la voie à suivre et comment être. C'est elle qui m'apprend. Je suis là vraiment en authenticité, en disponibilité, et c'est elle qui va me dire ce qui lui fait du bien, ce qui est bon, ce qu'elle vit, son vécu. Il n'y en a pas de modèle. Puis c'est ça qui est dur pour les accompagnants, pour les intervenants. C'est que c'est quelque chose qui n'a comme pas de sens. Il faut trouver un sens. Habituellement, on perd pas les petits bébés. C'est comme un échec. Il faut trouver un sens. Et là, on voudrait appliquer une méthode, mais il n'y en a pas. C'est la famille qui va nous le montrer, comment cheminer avec elle. Puis ce qui est bon pour elle. Excuse-moi. Non, c'est correct. C'est ça. À chaque fois, c'est comme si on repartait sur une table rase. On s'adapte complètement à la personne qui est là. On l'accueille, puis tout en disponibilité, puis on s'ajuste. On sait, il y a des choses qui sont importantes. Il faut qu'elle sente compétente, qu'elle est capable de trouver ses solutions. Il faut qu'elle sente qu'elle a quand même une bonne estime d'elle. Donc, on va être vigilant par rapport aux stratégies que les gens vont développer. On est un peu le cadre, mais l'intérieur, le vécu, c'est eux. Justement, ça nous apporte à vous demander, c'est quoi les besoins des parents en deuil, surtout ceux des parents qui s'adressent aux PERCID? As-tu des besoins plus particuliers? Bien, plus particuliers, c'est beaucoup plus comme comment ça s'est passé ou comment je chemine dans la résolution du deuil. Quand c'est frais, frais, c'est je vis un deuil quand je suis dans le décès périnatal ou un petit peu comme... Kathleen disait tout à l'heure, le sens était clair. Fait que la recherche du sens est extrêmement importante. Le sens était clair. Donc, oui, ça va être plus court. Souvent, les gens qui vont venir, c'est comme, non, ils vont répéter, puis ne pas le trouver, le sens. Le comprendre avec la tête, mais quand même qu'on proposerait des sens. Il faut que ce soit la personne qui le trouve. Hein? Et le besoin de se sentir... De briser l'isolement est vraiment très, très important. J'ai besoin d'un espace pour me déposer. J'ai besoin d'un espace pour être entendue. Puis souvent, les proches, après trois semaines, c'est comme, ben là, faudrait que la personne passe à autre chose par méconnaissance et parce que l'attachement n'est pas le même. Je veux dire, Kathleen parlait de son conjoint. C'est une réalité. L'attachement n'est pas le même. À partir du moment où je l'ai désiré, je commence à m'attacher. Je commence à bouger, je m'attache encore plus. Mais les proches, les gens à l'extérieur, bien, c'est quand ils voient le bébé. Alors, s'ils ont eu la possibilité de le voir lors du décès périnatal, souvent, ils vont être plus soutenants et compréhensifs. S'ils ne l'ont pas vu en plus, bien là, on est loin parce que c'est comme un concept abstrait pour eux. Il n'a pas existé, ce bébé-là. Donc, si on crée des souvenirs, quand on va à la cérémonie, bien, ça fait regarder, oui, il a existé, là. Hein? Mm-hmm. Donc, je peux être plus soutenue par mes proches à ce moment-là. Parlant justement de cérémonie, les 3 et 16 octobre dernier, les parents qui avaient perdu un bébé participaient à la cérémonie des anges dans différentes régions au Québec. Vous qui avez souvent participé à ces célébrations, c'est quoi le sens que les parents vont leur accorder? Ah, mais le sens, il va être propre à chacun. Je ne peux pas savoir ce que les parents vont y accorder. Ce que je sais et que j'observe, et ça depuis même la première famille qui a décidé de monter à Montréal, c'est que oui, c'est important. Il y a quelque chose d'important là. C'est un moment où je suis rassemblée avec d'autres, où est-ce que je dis aux autres que oui, j'ai vécu un événement important et que cet enfant-là va être présent. C'est un moment où je peux me permettre de vivre de l'intensité au niveau des émotions. Hein? Je suis parmi plein de gens. C'est acceptable d'être dans l'intensité à ce moment-là. C'est un moment d'amour aussi que j'offre à mon bébé. Je fais honneur à son bref passage. Hein? Je l'ai aimé, je l'ai désiré. Je prends le temps, je prends un moment pour vraiment, avec les gens que j'aime, célébrer son court passage et lui transmettre de l'amour et un message. C'est aussi une occasion très rare où le passage de cet enfant-là et de chacun de ces enfants-là est véritablement reconnu. Oui. Pour les parents et dans la société. Socialement, c'est extrêmement significatif pour les parents. C'est aussi un espace aussi qui va leur permettre de créer des petits rituels. Ouais. Parlant justement de rituels, c'est quelque chose qu'on va mentionner beaucoup dans plusieurs ouvrages de référence. C'est à quoi qu'on réfère quand on parle de rituels et c'est quoi l'importance du rituel dans le processus de deuil? Bien, en fait, le rituel, il y a quelque chose, il y a comme une dimension au niveau du sens. Je cherche à trouver un sens à cette expérience-là. Fait que je vais trouver quelque chose qui rejoint ma réalité puis que je vais donner un sens. Il y a quelque chose de sécurisant aussi. Je me donne comme une espèce de cadre et j'ai besoin d'apaisement. Donc, le rituel va me permettre de me déposer encore une fois puis de m'apaiser, d'apaiser mon cœur, d'apaiser mon mental puis même d'apaiser mon corps physiquement. Le deuil, quand je vis le deuil périnatal, c'est beaucoup de gestion d'énergie. Je dois vraiment porter une attention particulière et le rituel peut permettre ça aussi. C'est une façon de transformer mon lien avec mon enfant aussi. Je trouve des façons différentes parce que le lien, j'aurais voulu faire plein de gestes, maternant, paternant. Je ne peux pas. J'ai les bras pleins d'amour, j'ai le cœur plein d'amour, j'ai les seins pleins de lait. Je ne peux pas faire des gestes. Alors, à l'hôpital, quand on parle des rituels de « je vais prendre mon bébé, le bercer, je vais le laver, je vais prendre une petite mèche de cheveux », c'est des rituels de soins, mais c'est que je me donne la permission de reconnaître hey, « je suis vraiment sa maman, je suis vraiment son papa, je fais des gestes d'amour et par la suite, ces gestes d'amour-là, je vais devoir me les offrir pour guérir. Hein? » Toute cette énergie d'amour-là, je vais devoir me l'offrir, prendre soin de moi, comme d'un petit enfant malade, c'est à moi que je vais devoir les retourner. Mais le rituel permet d'ancrer dans la réalité. Ces gestes-là permettent d'ancrer hein, dans la réalité, que c'est vrai, je peux faire des gestes d'amour envers mon enfant. Là. Et que je suis vraiment la mère et pour tout le restant de ma vie, et le père de cet enfant-là, le frère, la sœur. Tantôt, vous parliez des outils que des professionnels de la santé peuvent avoir. Vous avez mentionné un peu. Et on se demandait, en fait, c'est quoi, justement, c'est les habilités que les professionnels de la santé pourraient développer pour mieux accompagner les parents dans le deuil? As-tu quelque chose à dire, Annabelle? Oui. Je t'ai entendu soupirer. La plus grande des habiletés serait de loin, pour un instant, surtout quand quelque chose comme ça arrive, j'aurais tendance à dire décrocher de son rôle, mais en même temps, au contraire, c'est justement son rôle de se permettre d'être en contact avec ce que les gens vivent. À ce moment-là, ça évite toutes les phrases toutes faites, les espèces de tentatives de réconfort qui deviennent des blessures pratiquement par des phrases choquantes. Les gens sont maladroits, mais s'ils se permettaient juste un instant d'être en contact avec ce que le parent vit en ce moment, ça prend tellement de place dans une chambre de naissance, c'est palpable. Donc, juste de se permettre ça, et ça va tout changer la suite, je crois. Puis il y a de la méconnaissance, il y a vraiment des connaissances à aller chercher, sentir que je les ai. Mais souvent, les intervenants l'ont. Des fois, il y en a que c'est comme non, dans certains cadres de pratique, où est-ce que c'est juste des amas de cellules, hein, qui vont parler comme ça, puis qui ne comprennent pas les réactions émotives, hein, mais d'être conscient du sens de ce projet-là, hein, d'accueillir un enfant. Puis c'est sûr que comme intervenant, on a à avoir fait un petit bout par rapport à notre propre souffrance. Car la souffrance de l'autre a une résonance. Et si moi, je ne me suis pas permise ou que j'ai l'impression que je compare la souffrance, parce que la souffrance est la souffrance, et la plupart des gens en ont vécu, je dois me donner la permission d'aller voir, OK, ça a ça comme résonance. C'est quoi, moi, mes forces, mes habiletés que j'ai développées par rapport à ça, qui fait que je suis capable d'être avec l'autre? Est-ce que je suis capable d'aller dans cette profondeur-là, hein? De me donner cette permission-là? Pour les gens de Québec et des environs qui voudraient participer aux activités du groupe de soutien Les Perséides, comment on peut vous rejoindre? Alors, au 88-688-6039. Et puis, les gens peuvent aussi passer par l'adresse du courriel ou du web, Annabelle? Par le site web, c'est possible d'avoir accès à l'adresse. Mais il y a aussi l'adresse courriel, effectivement, qui est le caa@commercialoricom.ca. Bon, je vous remercie infiniment d'être venu partager vos expériences dans le groupe de soutien Les Perséides et dans le collectif d'accompagnement. Alors, pour les parents et les intervenants qui ressentent le besoin de s'informer ou le besoin de partager leurs expériences, le Centre de soutien au deuil périnatal offre un service de soutien téléphonique au 1-866-990-2730. Il y a aussi le forum Internet Nos petits anges au paradis au www.nospetitsangesauparadis.com. C'est un lieu d'échange qui est très apprécié. Alors, sur ça, ça va conclure l'entrevue. Ben, gros merci. Ben, ça nous a fait merci beaucoup. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous en studio aujourd'hui. Alors, également, une autre ressource qui peut être très utile, c'est le site Internet de l'association Parents Orphelins, qu'on a mentionné au cours de l'émission. Leur adresse Internet est le www.parentsorphelins.org. Ou encore celui de solidarité deuil d'enfants, qui est le www.sdequebec.ca. Pour plus ample d'informations sur les ressources et les formations en deuil périnatal et en deuil d'enfants, je vous recommande de regarder ces informations. L'émission de la semaine prochaine sera une rediffusion datant du 18 septembre 2008 qui va porter sur la spiritualité et la naissance. Et on a des petites annonces. Alors, dans le cadre d'une de nos émissions de novembre, on va aborder le thème de l'AVAC, soit l'accouchement vaginal après césarienne. D'ici là, l'organisme AVAC Info, basé à Montréal, vous invite à sa toute première soirée partage qui aura lieu le jeudi 28 octobre à 19h chez Melon et Clémentine à Montréal. Également le dimanche 31 octobre 2010, de midi à 14h, se tiendra un grand rassemblement citoyen dans le quartier de la Petite Patrie pour demander l'ouverture d'une maison de naissance. Alors, rendez-vous au CLLC de la Petite Patrie si cela vous interpelle. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous rappelle que nos émissions se retrouveront sous peu sur notre site Internet en balado-diffusion. L'adresse est uqtr.ca/co-naître. Notre courriel est également sur le site si vous voulez nous envoyer vos commentaires ou vos suggestions. On a aussi un groupe Facebook. Alors, je vous encourage à devenir membre. Donc, le nom, c'est Co-naître ensemble, donc le nom de l'émission, si vous voulez en apprendre davantage. Nous tenons à remercier Manon Lachapelle et Marie-Hélène Théberge, dont le travail de synthèse en pratique sage-femme, intitulé « Le soutien en contexte de deuil périnatal, besoin exprimé par les professionnels de la santé », a contribué à inspirer le contenu de notre émission d'aujourd'hui. Je tiens à remercier tout particulièrement Cathy Bordelot à la réalisation, Branwen Agnew à la technique, Karine Bertrand et Maud Côté à la recherche, ainsi nos trois invités, Kathleen Boilly, Sylvie Blouin ainsi qu'Annabelle Gagnon. Je tiens à remercier la Chasse Galerie également pour leur commandite. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente semaine. Nous allons nous quitter en musique sur un solo piano par Gonzalez. C'était Jessica Boulanger pour l'émission Connaître ensemble. On vous attend mercredi prochain de 10h à 11h sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Au revoir. Sur les ondes de C'est fou.